l'acide ni au mungere. François Kimana sur la mise en onde. Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles. Bienvenue à ce journal à langue française dont voici les principaux titres. La force de défense nationale du Burundi vient de demander que la décision du retrait des 1000 soldats burundais en Somalie soit reconsidérée. Selon le porte-parole de l'armée burundaise, les 1000 soldats devraient provenir de tous les contingents. Et les citadins de Bujumbura redoutent une célébration non efficiente des fêtes de fin d'année suite à la pénurie du carburant et de la montée en flèche des prix de d'arrêts alimentaires. Et les habitants de la commune Kibagwa en province de Makamba plaident pour la réhabilitation de l'axe Makamba-Kibagwa en état de délabrement avancé. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais dans les titres, la Force de défense nationale du Burundi demande que la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du 19 décembre de cette année relative au retrait en Somalie des 1000 militaires burundais soit reconsidérée. Dans une déclaration sortie ce dimanche, le porte-parole de la FDN précise que cette décision est en déphasage avec le document définissant les quotas de réduction des troupes en Somalie. Suivez le colonel Froibert Wigereke, le porte-parole de l'armée burundaise. Cette décision est en déphasage avec le document stratégique validé le 30 novembre 2018 en Éthiopie par le comité de coordination des opérations militaires en Somalie, dans lequel sont définis les quotas de réduction des troupes selon la nouvelle reconfiguration des structures de forces et leurs effectifs, la resectorisation et suivant les opérations planifiées par la MISOM. En effet, dans ce document, il a été précisé que le contingent burundais réduira au 28 février 2018 341 militaires de ses effectifs déployés en Somalie. Dans ce même document, il a été souligné que les 1000 militaires à réduire allaient provenir de tous les contingents des pays contributeurs des troupes en Somalie. Vu que la décision de la Commission de l'Union africaine appelant à la réduction de 1000 militaires du personnel du contingent burundais en Somalie n'est pas conforme à la décision du comité de coordination des opérations militaires en Somalie, la FDNB demande à l'autorité compétente de plaider auprès des instances habilitées pour que cette décision soit reconsidérée. C'était colonel Floribert Wiyere, qui est le porte-parole de l'armée burundaise. Vous saurez que les pays contributeurs des troupes en Somalie sont entre autres le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie et le Djibouti. Et le Conseil des ministres de ce vendredi a adopté le projet de révision de la loi portant réforme de la fiscalité communale. Dans un communiqué du gouvernement de ce samedi, lu par le porte-parole du gouvernement, secrétaire général Prosper Nahogwamiye, précise que l'ancienne loi de 2016 s'est heurtée à un problème de mise en application. La loi numéro 1/02 du 3 mars 2016 portant réforme de la fiscalité communale au Burundi a été mise en place après le constat de la faiblesse des recettes fiscales locales. Cette situation privait les communes des moyens de fonctionnement et d'investissement. Cette loi avait mis en place un système fiscal composé de 8 impôts et taxes exclusivement affectés à la commune, à savoir l'impôt sur le gros bétail, la taxe sur la vente par tête de bétail, la taxe d'abattage, la taxe sur les cycles, l'impôt foncier, la taxe sur les pylônes, la taxe annuelle sur les activités et les services commerciaux, la taxe sur les cultures industrielles, ainsi que des impôts et taxes collectés par l'État et reversés par après aux communes, à savoir la contribution de l'impôt sur les revenus locatifs au budget des communes, la contribution de la taxe sur la valeur ajoutée TVA au développement communal. Même si cette loi a tenté de résoudre ce problème de moyens financiers pour les communes, elle s'est heurtée à un problème de mise en application et aucun des impôts n'a produit le résultat escompté. La taxe sur les produits et certaines cultures industrielles dont la procédure de prélèvement échappe aux communes n'a pas donné non plus le rendement attendu. Les autres ressources n'ont pas pu être suffisamment mobilisées, faute notamment d'une révision périodique des tarifs au moment où cela s'imposait. Le présent projet essaie d'éclairer sur la manière dont les recettes communales sont fixées et collectées. Il détermine un champ fiscal propre aux communes et leur reconnaît le pouvoir pour effectuer les opérations de détermination, d'émission, de recouvrement pour tous les impôts. Il détermine de façon claire ce qui revient exclusivement aux communes et évite tout chevauchement avec les impôts relevant de la compétence de l'Office burundais des recettes, OBR. Après échange et débat sur ce projet, le Conseil l'a adopté moyennant intégration des contributions des membres du gouvernement dans sa finalisation par une équipe désignée à cet effet. Le même Conseil des ministres a recommandé la fusion de l'Office des routes, du Fonds routier national et de l'Agence de location du matériel afin de trouver des solutions aux problèmes qui s'observent dans ce secteur. Encore une fois, Prosper Ntaogwamiye, il est secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundi. Le problème que connaît le réseau routier est dû au plafonnement du budget destiné à l'entretien routier depuis 2015, l'absence des activités d'entretien courant comme le débroussaillage, l'eau, curage des fossés et des ouvrages de traversée, l'enlèvement des éboulements. La croissance du réseau routier inversement proportionnelle au budget d'entretien annuel, le non-respect des programmes d'entretien routier qui sont signés conjointement par l'Office des routes et le Fonds routier national, aux prestations de services pour des études technico-économiques, des routes à caractère intégrateur et à aménager ou à réhabiliter sur le financement des bailleurs extérieurs, à l'appui au fonctionnement de l'Office des routes qui n'a cessé de dégringoler depuis 2013. Comme solution préconisée à travers la note, il s'agit de surseoir à la mesure de plafonnement du budget du Fonds routier national, rendre disponible un budget pour les urgences déjà manifestées, un budget pour les urgences imprévisibles, un budget spécial pour la réalisation des études pour les projets à caractère intégrateur, un budget de fonctionnement annuel suffisant pour l'Office des routes. Après échange et débat sur cette note, le Conseil a constaté des dysfonctionnements dans les structures qui s'occupent du réseau routier. Il a recommandé la fusion de l'Office des routes, du Fonds routier national et de l'Agence de location du matériel pour en faire une seule structure légère avec un système d'alerte et de surveillance afin de pouvoir intervenir le plus rapidement possible sans attendre que la situation se dégrade. Une équipe a été désignée pour mettre en place cette structure. Le travail devra avoir été terminé d'ici fin janvier 2019. En même temps, il a été demandé à la brigade anticorruption de faire les investigations nécessaires dans ce domaine routier au regard des irrégularités constatées, notamment le contrat d'exécution de certains travaux signés en dehors des procédures requises. À 13h06 dans les studios de la radio Isanganiro, le journal se poursuit. La pénurie du carburant observée dans le pays et les prix de denrées alimentaires qui montent en flèche sont évoqués comme facteurs qui ne vont pas faciliter une célébration efficiente et de fête de fin d'année en mairie de Bujumbura. Certains citadins qui se sont exprimés sur le micro-trottoir de la radio Isanganiro demandent au gouvernement de suivre de près le mouvement des prix des denrées de première nécessité dans ces jours de fête de fin d'année. Je vous prie de les suivre. La fête de Noël, c'est pas bonne parce que nous avons beaucoup de la pauvreté ici au Burundi. Deuxièmement, il y a la rupture des carburants. C'est pourquoi ici au parking, il y a beaucoup de personnes à cause du manque de véhicules. La fête de Noël, en perspective, la préparation n'est pas du tout normale. Vous voyez vous aussi que cette période est une période qui est caractérisée par la pauvreté, mais quand même, M. Arnaud, plutôt, sont en train de préparer cette fête. Donc, ils quand même célèbrent cette fête en beauté, malgré cette pauvreté. Mais il y a discordance entre la population pauvre et il y a aussi ceux qui sont riches. Ceux qui en détiennent le moyen financier favorable, quand même ceux qui ont cette potentialité de la bonne préparation, mais ceux qui en détiennent le moyen financier insignifiant continue à demeurer dans cette situation que je qualifierais précaire. Les prix au marché de tous les prix des denrées alimentaires ont beaucoup plus augmenté dans cette période de fin d'année. Je ne sais pas si la cause principale est cette pénurie du carburant ou pas ou d'autres choses. En général, c'est vraiment très exorbitant. Pour moi, il n'y a pas de préparation pour la fête de Noël parce que la condition que je vive ne me permet pas de fête. Les prix au marché sont très élevés alors qu'il n'y a pas de ressources de moyens. Il faut que les commerçants cessent d'augmenter comme ils veulent les prix de les marchandises dans ce moment de la préparation du jour de Noël. On se prépare chaque fois quand la fête de Noël arrive, car on essaie de voir partout à l'entourage et on est en train d'acheter des cadeaux pour les enfants. Les sapins de Noël sont en train d'être vendus partout. En analysant, on voit qu'on se prépare pour la fête de Noël dépendant des moyens que chacun possède. À ce qui est de la hausse des prix, on habitue à ça. Ce n'est pas une période de récolte. Le prix des produits alimentaires reste toujours élevé. Comme c'est une fête qui doit être passée, on va célébrer dépendant des moyens de chaque personne. De suite. C'était certains des habitants de la capitale Bujumbura et enfin les usagers de la route Makamba-Kibago. Seulement de son état de délabrement avancé, ils indiquent qu'emprunter cette voirie ces jours-ci, surtout après une pluie, est devenu casse-tête et demandent de sa réhabilitation avant qu'il ne soit tard. Zenon Nishimwe, administrateur communal de Kibago, dit que l'intervention de sa population se limite actuellement à la préserver des eaux de ruissellement en attendant des actions d'envergure qui exigent plus de moyens financiers. Et l'élément n'est pas disponible, on y reviendra dans notre ce journal de la soirée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que la Force de défense nationale du Burundi vient de demander que la décision de retrait de 1000 soldats qui sont en Somalie, soit reconsidérée. Selon le porte-parole de l'armée burundaise, il devrait provenir de tous les contingents en Somalie. Et les citoyens de la ville de Bujumbura redoute une célébration non efficiente des fêtes de fin d'année suite à la pénurie du carburant qui s'est vue au pays et de la montée en flèche des prix des denrées alimentaires. Et les habitants de la commune Kibago en province de Makamba plaident pour une réhabilitation de l'axe Makamba-Kibago en état de délabrement avancé. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à François Kimana qui assure la mise en onde à la présentation. Vous étiez avec Placide Niyomungere. Une bonne journée dominicale à tous. Au revoir.